est trop belle, poteau. Elle veut pas qu'on la laisse poser sur le côté. J'suis un survêt de polo, alors qu'elle pourrait gagner des concours de beauté. On est pété, donc rien à foutre du reste. Elle aime aller manger tranquille au bord de la mer. Faire du shopping à Paname. Avec elle, ce n'est pas la même. Avec elle, je n'ai pas la flemme. C'est pas comme si elle était banale. Je vais encore rentrer tard et te retrouver. Inquiète ou en pétard. Sur une étoile, reste plus qu'à toucher le ciel. Y'aura de l'or attaché à ses oreilles. C'est toi et moi, ou moi et toi, c'est pareil. La bague au doigt et on s'envole au soleil. Laisse les copines et moi je laisse pas mes potos. Je laisse ma folie de côté, même la moto. Si tu veux, suis-moi, je te fais pas pleurer, promis. Parce que c'est moche et moi j'aime quand tu souris. Je lui donne tout, des bisous, elle en veut beaucoup. Jusqu'au prix sont dans le coup. Bien sûr qu'on s'en bat les couilles de leurs avis. Le principal c'est nous. Alors on prend pas la tête. Moi je fais plus la fête. T'es la seule sur la terre. T'es là si je me perds. Je vais encore rentrer tard et te retrouver. Inquiète ou en pétard.